Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, 21h, Lost in Space, votre rendez-vous rock, musiques expérimentales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce magnifique groupe qui est Kraftwerk. Souvenir, souvenir, pour ceux qui ont connu ça, l'Allemagne du début des années 70, il y avait encore la RFA, la RDA, donc l'Ouest et l'Est, et du côté de l'Ouest, vers Düsseldorf, il y avait des Allemands qui ont inventé, en partant du krautrock, donc cette musique un peu planante venue du hippie, qui ont plus ou moins inventé quand même la techno, en fait, et les musiques électroniques, et je veux parler de Kraftwerk, que l'on va retrouver ce soir, en fait, pour une grande spéciale. On écoutera plein de morceaux de Kraftwerk, plein de morceaux de la même époque, et c'est parti pour de la musique électronique. Go! Thank you. We'll be right back. Et vous avez l'autorisation de travailler ou pas? Ça, c'est possible de le demander. Hein. Bah, et ça, il faut faire la demande, en fait, à la direction du travail. Ouais. Ouais, je serai pas là le matin, donc l'après-midi, d'accord? Ok. Mmh. Au revoir, bonne journée. Thank you. land sparks in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs that shed the cries. An elk's alive for a silverfish, eternal dust, less ticklish than the clean room a house guest wears. Hiroshima, mon amour. the past. Future's fused like shattered glass. The sun's so low, turns our silhouettes to gold. Hiroshima, mon amour. La chose la plus importante dont nous avons besoin sont des travailleurs de rue numérique. Nous avons besoin d'un collège de jeunes adultes capables de venir aider les adolescents en difficulté et capables de leur venir en aide en ligne. Nous avons besoin de travailleurs sociaux en ligne au contact des enfants et capables de les aider à comprendre les options qui s'offrent à eux. Thank you. Thank you. image and send it around the world. Symbolizing the rise and fall of the atomic age. Cela sent la révolution de 1789, non ? Eh bien oui. Dans cette chanson de 1787, ce n'est pas Dagobert qui est mis en scène, mais Louis XVI, dont on se moquait car il était un peu étourdi. Faisant référence à un roi lointain, les auteurs malins se mettaient hors de portée de la censure. ourselves into the future. Malgré ces noms de berger grec, polystyrène, phénoplaste, polyvinyle, polyéthylène, le plastique est essentiellement une substance alchimique. D'un côté, la matière brute, tellurique, et de l'autre, l'objet parfait, humain. Thank you. En remportant 10% des sièges lors de l'élection du Parlement européen, les écologistes ont réveillé un vieux débat sur le positionnement politique de leur mouvement. Est-il plutôt de gauche, comme le suggèrent la plupart des alliances qu'il a nouées jusqu'ici, ou plutôt libéral, comme l'indique à la fois le ralliement à M. Emmanuel Macron de plusieurs anciens dirigeants écologistes. Messieurs Daniel Cohn-Bendit, Pascal Canfin, Pascal Durand, et certaines coalitions qui, en Allemagne, incluent déjà la droite et les Verts. A priori, libéralisme et protection de l'environnement devraient former un couple explosif. En 2003, un théoricien libéral aussi essentiel que M. Milton Friedman concluait en effet « L'environnement est un problème largement surestimé. Nous polluons dès lors que nous respirons. On ne va pas fermer les usines sous prétexte d'éliminer tous les rejets d'oxyde de carbone dans l'atmosphère. Autant se pendre tout de suite. » Et 10 ans avant lui, Gary Becker, autre pourfendeur de ce que l'on n'appelait pas encore l'écologie punitive, Nobel d'économie lui aussi, avait jugé que le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Mais déjà, il espérait, le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en développement. Thank you.

On comprend par conséquent que les angoisses relatives à l'avenir de la planète aient réhabilité le terme longtemps honni de protectionnisme. En France, lors d'un débat de la campagne des élections européennes, les têtes de liste socialistes et écologistes ont même réclamé, presque dans les mêmes termes que Mme Marine Le Pen, un protectionnisme aux frontières de l'Union européenne. On mesure les conséquences éventuelles d'un tel changement de cap dès lors que le libre-échange constitue le principe historique fondateur de l'Union, en même temps qu'il est le moteur économique de son état le plus puissant, l'Allemagne. Waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3 Oh, Dorénavant, chacun sait que l'éloge devenu consensuel des producteurs locaux, des circuits courts, du retraitement sur place des déchets, est incompatible avec un mode de production et d'échange qui multiplie les chaînes de valeur, c'est-à-dire organise la noria des porte-conteneurs sur lesquels les composants d'un même produit traverseront 3 ou 4 fois le Pacifique avant qu'ils n'arrivent dans les rayons d'un magasin. Thank you. Nous cohabitons depuis 9 mois et les choses se passent plutôt bien. Une communauté de destin fantaisiste nous a fait arriver ici à peu près en même temps. Très vite, Patrick a voulu savoir avec qui il allait devoir partager tous les jours sa cuvette de toilette. Alors, je lui ai raconté mon histoire, loin de celle des Hells qui contrôlaient la totalité du trafic de drogue de la province et n'hésitaient pas à déclencher des guerres pétaradantes comme celles qui firent 160 morts au Québec entre 1994 et 2002, lorsqu'ils affrontèrent leurs ennemis ancestraux, les Rock Machines, eux-mêmes absorbés ensuite par les Bandidos, qui, de leur côté, n'usurpaient en rien leur dénomination au point de connaître à leur tour quelques déboires, puisque l'on retrouvera 8 cadavres, tous membres du gang, négligemment dispersés dans 4 voitures garées côte à côte et immatriculées en Ontario. Blues rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a-looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Blues rider, motorcycle hero. He's a-blazin' away. Like the stars, stars, stars in the universe. Goose rider, motorcycle hero. Bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's a-screamin' the truth. America, America's killing its youth. Bee, bee, bee, bee, bee, bee, bee, he's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Goose rider. Be happy. He must be happy in his world. He must be happy. He must be happy. He must be happy.